ralenti, à part pour voir son boule passer. C'est les galactiques, dans le vide, on a tout cassé. Je vais la faire classique, j'appelle Uber ou MTC. Pierre dans l'élastique, si jamais dans la poche elle va dépasser. Pas de galanterie, à part pour voir son boule passer. C'est les galactiques, dans le vide, on a tout cassé. Dans la boîte, carré vide, le son de cristal, carré vide. Les coups de téléphone, même un petit vas-y vide. Elle veut gratter une place dans le carré vide. J'arrive dans la boîte, carré vide, le son de cristal, carré vide. Les coups de téléphone, même un petit vas-y vide. Elle veut gratter une place dans le carré vide. Y'a tout le monde qui veut faire ses sous, qui gratte Marseille, c'est pas le Qatar. Je te rappelle plus tard, là je suis sous hier soir, j'ai fait une cuite de bâtard. On n'a pas grandi comme des fous, beaucoup de notions, tes quêtes on partage. J'ai mis le flash dans la potion, gros RS3, le son de pilotage. 2, 3, vodka, 1, 2, 3, vodka, 1, 2, 3, vodka, 1, 2, 3. J'arrive dans la boîte, carré vide, le son de cristal, carré vide. Les coups de symphonie, même un petit vas-y vide. Elle veut gratter une place dans le carré vide. J'arrive dans la boîte, carré vide, le son de cristal, carré vide. Les coups de symphonie, même un petit vas-y vide. Elle veut gratter une place dans le carré vide. Pas de galanterie, à part pour voir son boule passer. C'est les galactiques, dans le VIP on a tout cassé. Je vais la faire classique, j'appelle Uber ou MTC. Pierre dans l'élastique, si jamais dans la poche elle va dépasser. Pas de galanterie, à part pour voir son boule passer. C'est les galactiques, dans le VIP on a tout cassé. Je vais la faire classique, j'appelle Uber ou MTC. Pierre dans l'élastique, si jamais dans la poche elle va dépasser. Dans la boîte, carré vide, le son de cristal, carré vide. Écoute, c'est un faux numéro, tu vas-y vide. Elle veut gratter une place dans le carré vide. J'arrive dans la boîte, carré vide, le son de cristal, carré vide. Écoute, c'est un faux numéro, tu vas-y vide. Elle veut gratter une place dans le carré vide. Des fois je sers, c'est pas mon défaut, je me resserre. Petite bombe serre, je l'ai coincé à mamie les serres. Des fois je sers, c'est pas mon défaut, je me resserre.